Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet-Dupré 1861. Des habitudes. Explication. Nous entrons dans l'examen des principes internes des actes humains, qui sont, outre les facultés de l'âme, dont nous avons suffisamment parlé dans la première partie, les habitudes, que nous allons faire connaître en général. Nature ou définition de l'habitude. Sujet des habitudes. Comment elles se forment. De leur accroissement. De leur affaiblissement. D'après quelles règles on peut les distinguer. Dans les deux traités suivants, nous parlerons des habitudes en particulier, c'est-à-dire des vertus et des vices. Question 49. De la nature des habitudes. Définition de l'habitude. Nécessité d'admettre des habitudes. 1. L'habitude est-elle une qualité? L'habitude, mot dérivé du verbe habere, avoir, tenir, est une qualité par laquelle un être est bien ou mal disposé dans sa propre nature ou par rapport à quelque autre chose. Le philosophe la définit, une disposition habituelle, difficile à changer, d'après laquelle un homme est bon ou mauvais en lui-même, ou relativement à une autre chose. La santé, par exemple, est une certaine habitude. Les habitudes désignent les qualités bonnes ou mauvaises des êtres. Tel est le sens dans lequel nous allons en parler. Note. La science, la vertu, voilà des habitudes, imparfaites, si elles sont à leur commencement, parfaites, si elles ont atteint leur perfection. Fin de la note. 2. L'habitude est-elle une qualité d'une espèce déterminée? Qui dit habitude, dit un mode accidentel de la nature humaine, mode qui se distingue de la simple disposition en ce qu'étant très inhérent à son sujet, il ne change pas facilement. S'il est conforme à la nature, l'habitude est bonne, s'il lui est contraire, elle présente l'idée du mal. Comme la nature est à considérer avant tout dans les êtres, les habitudes sont manifestement des qualités du premier ordre. 3. L'habitude a-t-elle rapport à nos actes? L'habitude n'implique pas seulement un rapport avec notre nature, elle implique aussi un rapport avec nos actes. C'est sur ce fondement que saint Augustin l'a défini, un principe par lequel on agit quand on veut. Le philosophe l'a indiqué en disant, dans sa définition, que l'habitude est une disposition par laquelle un homme est bon ou mauvais en lui-même, c'est-à-dire par rapport à sa nature, ou relativement à une autre chose, que la nature a pour fin. Or, cette fin, c'est évidemment l'opération, car notre nature a pour fin le souverain bien, auquel nous n'arrivons que par des opérations. Cette vérité est encore plus sensible à l'égard des habitudes acquises, qui résident dans les facultés de notre âme. Ces facultés étant un principe d'opération, les habitudes qui sont en elles pour les perfectionner ont nécessairement aussi rapport à nos actes. 4. Est-il nécessaire d'admettre des habitudes? Quand un sujet est susceptible d'une bonne ou d'une mauvaise disposition dans sa nature et dans ses actes, à cause de plusieurs principes qui peuvent être combinés diversement, il a besoin que des habitudes lui donnent une disposition convenable par rapport à sa nature et à sa fin. Telle est l'âme humaine. Capable d'opérer de diverses manières, elle doit avoir des habitudes qui la fixent dans le bien. Elle est ses facultés, les habitudes, pour cette raison, nous sont nécessaires. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.